beauté. Et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur. Pour qu'un jour l'image Sainteté, bonsoir et bienvenue. Ça va, ma soeur? Ah, ma soeur. Bonsoir, frère. Dans Galates, chapitre 6, le verset 15 et suivant, la Bible déclare, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent ces règles. Et sur Israël des dieux. Et sur l'Israël des dieux. Israël des dieux, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir, la sœur Augustine. Bonsoir. Paix et miséricorde sur l'Israël des dieux, Alphonsine Léonie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Julien. Paix et miséricorde également sur notre sœur Arissi. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Paix et miséricorde également sur l'une des parties d'Israël des dieux, la sœur de la Roche. Bonsoir et bienvenue. La sœur Alessie, ton micro est ouvert. Les enfants parlent comme à la maternelle. Bonsoir, Attendez, peut-être ne nous entend pas. La sœur Aristide, on entend, on ne voit pas ton image. Oh, vous ne me voyez pas? Peut-être c'est moi qui ne vois pas. Les autres, vous, vous la voyez? Oh, non. Donc, est-ce que c'est mieux maintenant? Ton micro n'est pas, ton micro est ouvert, mais ton, ton moniteur n'est pas allumé. Est-ce que c'est mieux maintenant? Non, clique juste sur la caméra, tout simplement. La sœur de la Roche, bonsoir. C'est déjà fait. Ok, dans ce cas, il faut patienter. C'est bon maintenant, on te voit. Okay. Toute nerveuse, là, ne t'inquiète pas. Bonsoir, bonsoir, frère Julien. Voilà. Bonsoir, la sœur de la Roche. Tout ton micro, c'est grave de ton côté, là. La maternelle a commencé là-bas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen, frère. Je suis ravi d'être de la partie avec vous ce soir. Pour une autre partie, une belle partie. La sœur de la route, doucement avec mes enfants, là. Doucement. Doucement. Je suis à votre service ce soir. Comment vous allez? On commence par qui? On commence par la sœur. Bon, la personne qui va s'afficher sur l'écran, c'est avec elle qu'on commence. La personne qui va s'afficher sur le grand écran maintenant, c'est avec elle qu'on commence. Suivez ce moment votre écran. La personne qui va prendre tout l'écran, c'est la personne qui va commencer. Voilà. Qui est affiché sur l'écran? Est-ce que c'est ça, Arissi? J'ai l'impression. C'est la personne qui a pris tout l'écran. C'est la personne qui parle d'abord. Ok, ok. Ok, bonsoir, frère Junior. Bonsoir, Canada dans la société. Mm. Ok. Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai beaucoup apprécié l'enseignement de la semaine dernière. Donc, ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir au courant de la semaine. Et j'ai fait mes devoirs en partie. Et j'aurai peut-être des questions. J'ai besoin de revisionner certaines vidéos avant de poser des questions à Frère Junior. Parce que j'ai regardé des vidéos, mais je pense que j'ai besoin de les regarder de nouveau. Okay. Afin de poser des questions. Amen. Et, pardon? Non, j'ai dit Amen. Oui, oui, oui. Mais au-delà de ça, j'ai d'autres questions que j'aimerais poser. Mais j'avoue que je suis un peu embarrassée de poser cette question devant dans l'Assemblée. Sens-toi libre de poser toutes les questions, ma soeur. Toutes questions bibliques. Toutes questions bibliques. Je pense que je vais le faire à la fin, toute seule. Je suis un peu gênée. Je ne suis pas encore très, très... peut-être plus tard, peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, je préférais la poser seule à seule. Après. Ok, en apathé, voilà. Alors. Y a quelqu'un qui rit dans la sœur de la Roche. Donc, la prochaine personne qui parle, est affichée sur l'écran. Vous la voyez vous-même. Elle même ses voix. Oui, bonsoir Frère Junior, bonsoir à toute la famille chrétienne, bonsoir aux sœurs et aux frères, bon, un seul frère je pense. Comme d'habitude, les sœurs sont en majorité. Comment vous n'allez pas prendre le monde? Oui mon frère, bon, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de faire partie de cette famille. Et bon, c'est vrai que je suis encore très nouvelle, mais bon, je suis là pour apprendre et puis... comme je le disais la dernière fois, j'aimerais tellement que tu guides mes seigneurs, quoi. Parce que le Seigneur, je le cherche vraiment, mais je ne sais pas trop par où commencer. Bon, excusez le bruit. Aujourd'hui, je suis chez moi. Donc, il y a les enfants qui font beaucoup de bruit, là. Il y a ma plus jeune qui a 2 ans et demi. Elle fait beaucoup de bruit. Comme Arissi, moi aussi j'ai fait mon travail en partie, j'ai fait les devoirs de la semaine en partie et j'ai été très édifiée comme tout le temps quand j'écoute les vidéos. Il y a la vidéo par exemple sur Action de grâce selon la Nouvelle Alliance, ça m'a beaucoup marqué et du moins ça m'a beaucoup édifiée et ça vient en quelque sorte, comment dirais-je, renverser les conceptions qu'on avait à ce sujet, quoi. On pensait que les actions de grâce c'était les offrandes qu'on donne soit au, bon, je sors du catholicisme, soit aux prêtres, soit aux pasteurs, que c'était du moins l'ensemble des dîmes et des offrandes, on va dire que c'était cela, rendre grâce à Dieu. Mais bon, j'ai compris que ce n'est vraiment pas cela. Et puis j'ai suivi cette partie où tu dis la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Mmh. Et de s'abstenir bon, moi, des souillures du monde. Bon, je n'ai pas suivi. Et de s'abstenir des souillures du monde. Oui, et de s'abstenir, voilà, je devais continuer. Mmh. Et de s'abstenir des souillures du monde. Je pense que c'est ça. Exact. Oui, de s'abstenir des souillures du monde. Ah oui. Et cette partie qui dit, bon, je pense que c'est dans Romains 12, versets 1 à 2. Mmh. Frères, je vous exhorte par les compassions de Christ. Par les compassions de Christ à offrir vos corps, mmh, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mmh. Bon, ça vient renverser cette pensée selon laquelle Dieu ne regarde pas le corps, il regarde mmh le cœur. Mmh. Bon, des choses comme ça, des idées tordues comme ça qu'on avance pour s'habiller très mal quelquefois. Bon, donc ça m'a beaucoup édifié. Maman? Bon, je pense qu'on va passer Maman? À quelqu'un d'autre. Il y a ma fille qui est arrivée et puis qui va faire beaucoup de bruit là. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Déjà en suivant les actions de grâce et en lisant les versets correspondants que tu as suivis dans cet enseignement. Avant, quand vous parlez d'action de grâce, vous preniez ce qu'on disait là où, au juste? Bon, c'est comme je viens de le dire, action de grâce pour nous, c'était, comment dire, bon, dans le catéchisme, c'est les fêtes de récolte, les offrandes, les messes qu'on donne à l'église. Messes d'action de grâce pour telle chose. Donc, c'est cela qu'on appelait, grosso modo, action de grâce. Et dire merci à Dieu de la bouche, mais donner de l'argent au prêtre ou bien au pasteur. Mm-hmm. Oui, sous forme de dîme ou d'offrande, tout simplement. Voilà, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. La soeur a réussi à quelque chose à ajouter parce qu'il n'a pas tout mouvementé. Non, pas encore. Okay. Pas encore, frère Junior. Mm-hmm. Bah, à la prochaine personne. Bienvenue, frère Junior. Mm-hmm. En fait, j'ai écouté le message pour l'action de grâce et comme la soeur, j'ai eu les mêmes impressions. Et j'ai compris que l'action de grâce n'était pas comme on avait dans nos conceptions. Mmh. Et après, la vidéo que je suis allée suivre, c'était celle du nettoyage des anciennes doctrines. Voilà, elle, ça m'a plus comme accrochée. Je suis allée plus dessus parce qu'il fallait que j'écoute pour voir vraiment, quand tu as donné l'exemple de l'ancienne alliance, les évangiles au milieu. Et puis la nouvelle alliance qui est Jésus, et que l'ombre de ce qui se passe dans le ciel, c'est ça qu'on doit avoir sur la terre. Ça m'a beaucoup édifié, frère Julien, vraiment beaucoup édifié. Et quand tu disais le passage hébreu, et puis les autres passages de Exode et tout ça, ça m'a vraiment édifié parce que au début de ma conversion, le Seigneur m'amenait beaucoup dans Hébreu, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je lisais, mais je ne comprenais pas vraiment le fond. Et avec ce message de nettoyage des anciennes doctrines, j'ai compris maintenant, il fallait que je fasse cette différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'était ça. Donc, j'ai compris maintenant le pourquoi qui m'envoyait là. Et puis, aussi, j'ai mon frère qui est au pays, en Côte d'Ivoire. Il aimerait aussi rentrer en contact avec toi, mais parce qu'il ne peut pas être pour ceux du Canada, il aimerait aussi être dans la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Pour ceux de la Côte d'Ivoire. Il envoie tout juste son contact, on le rejoint dans le groupe. D'accord? Demande-lui de créer un compte Skype, il envoie, il précise qu'il veut rejoindre le groupe de Canada, Côte d'Ivoire dans la sainteté. Et qu'il soit prêt à admettre la vérité, parce que s'il ne veut pas la vérité, il va fuir seul. Comment? Est-ce qu'il soit prêt à admettre la vérité? S'il ne veut pas la vérité, il va fuir seul. Je pense qu'il est prêt. Et puis aussi, comme j'avais une question à te poser, oui, mais je peux la poser. Je sais qu'elle est personnelle, mais c'est un conseil que je demande parce que je ne sais pas comment ça se passe. J'ai une question, une préoccupation. Alors, j'aimerais la poser. Est-ce que je la pose maintenant ou bien j'attends après? On est à ton écoute, ma chère soeur. Si tu juges, si tu juges que tu peux parler au milieu, que ça concerne tout le monde, tu le dis. Si tu sais que c'est privé, tu mets en privé. Mais si je peux le mettre en privé, si tu auras le temps après, je poserai après la le question. Temps, après le temps de l'enseignement, je vous prendrai. J'entends pas le début, donc. Après le temps de l'enseignement, après l'enseignement, je te prendrai pour poser. Pour que tu d'accord, poses. D'accord. Oui, j'ai compris. Merci, frère Jean. Mmh. Merci. Bon. Et puis aussi, j'ai écouté un enseignement, la France dans la sainteté, où tu parlais de... Il y avait une sœur qui avait posé une question par rapport aux femmes. Pourquoi les femmes étaient la cible du diable? J'ai vraiment aimé parce que ça m'a beaucoup édifié. Femme déterminée fois, pour le ciel. Comment? Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup édifié, vraiment, ça m'a beaucoup édifié parce que des fois, on se sent coupable, mais en écoutant, je me suis rendu compte que depuis le commencement, comme Adam et Ève, il nous a toujours pris comme cible, c'est par nous qui passe toujours. Donc ça m'a beaucoup édifié pour cela. Merci, frère Julien. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Léonie voulait ajouter quelque chose. Non, mon frère, rien de particulier. Bon, moi aussi j'ai écouté cet enseignement. Du moins, c'est venu comme un complément de ce que je savais déjà à la lecture de la parole, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, par rapport à l'habillement de la femme chrétienne, donc c'est des choses qu'on ne nous dit jamais, ou alors presque jamais dans les dénominations, dans toutes ces églises-là. On va y aller habiller n'importe comment et trouver toujours des raisons. Bon, il faut s'habiller, du moins il faut s'habiller de façon... Comment est-ce que je dirais, un peu extravagante, si on ne s'habille pas comme ça, comment on va se faire remarquer, il faut s'habiller, donc, bon, mais je pense que pratiquement toutes ces dénominations-là sont, vibrent avec le courant du monde, quoi. Donc, en fait, quel est le vrai problème, pourquoi il ne veut pas dire la vérité aux gens? Je ne t'ai pas écouté, frère, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi, au juste, il ne veut pas dire la vérité aux gens? Ah bon, je pense que c'est la raison fondamentale, c'est comme tu le dis dans la vidéo. Tu dis, bon, puisque la majorité de leurs clients, c'est des femmes. Donc, ils pensent qu'en disant la vérité, leurs églises vont se vider. Et puis, ces femmes vont partir, quoi. Et puis, il n'y aura plus de donneurs, de dîmes et des offrandes et puis tout le reste. Comme c'est soit, si vous êtes en majorité sur le seul, on s'en dit que si il dit quelque chose, une vérité, là vous partez, mais là je suis fini, je suis seul. Donc c'est exactement comme ça là-bas. Oh non, on ne peut pas partir. On va partir. Nous sommes à la recherche de la vérité, quoi. Nous sommes à la recherche de la vérité. Et puis cette vérité, quand tout est clair avec la parole de Dieu à l'appui, il n'y a pas de discussion à faire. C'est oui et amen. Donc. Oui, nous sommes là parce qu'on est vraiment à la recherche de la vérité, on est à la recherche de cette vie en Christ, une vie de sanctification totale, quoi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ces pasteurs-là, ils ne sont pas là pour conduire les gens au Seigneur ou bien les conduire au ciel comme c'est la fin d'une vraie vie chrétienne. Donc, ils sont là juste pour se faire du profit sur le dos de leurs ouailles. Là, je me pose la question, qui les a commissionnés dans ces cas? Parce que les ouvriers du Seigneur doivent œuvrer pour le Seigneur et sont au service du Seigneur, sont entre ses mains. Dans ce cas, qui les a commissionnés? Non, moi, je pense que c'est ce que je pense. Ce sont des gens qui se sont appelés eux-mêmes. Ils n'ont reçu aucun appel du Seigneur parce que, du moins, je pense que si quelqu'un est appelé vraiment du Seigneur, le Seigneur mettra dans sa bouche la saine, du moins la doctrine correcte qu'il doit enseigner aux fidèles. Donc moi, je me dis que ce sont des gens qui se sont levés eux-mêmes, se sont eux-mêmes appelés, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent de Dieu, c'est ce que je pense. C'est de la roche. You have the floor. Are you there? If there is noise in your house, you better not to open your mic. Vous voyez qu'elle est obligée de marcher dans la pièce pour chercher l'endroit où ça sera calme. Pour esquiver les enfants. Là. Elle est là-bas avec son microphone à l'oreille comme Jean Lambert. Pendant qu'elle trouve un endroit calme, la semaine dernière, nous avons vu comment bâtir une relation, quelque chose comme ça. Et nous avons juste donné les livres de Luc au chapitre 6, Luc chapitre 24, Osée chapitre 8, verset 12. Nous avons lu le livre d'Osée chapitre 8. Vous m'entendez bien? Pas très bien. Oui, c'est très entrecoupé. Voilà. Je crois qu'avec les coupures d'électricité ici et puis la grande pluie qui a eu lieu aujourd'hui là, j'ai l'impression que le réseau est un peu plus perturbé. Vous m'entendez maintenant bien? Oui, on t'entend bien, seulement que je crois que c'est entrecoupé. Oui, c'est très entrecoupé. Oui. La sœur de la Roche parle alors. Ouais, son micro aussi dérange, n'est-ce pas? Elle est en train de parler là fort jusqu'à ce qu'elle rit, mais on n'entend rien. Je pense que son micro est fermé. Vous m'entendez? C'est un succès. Oui, ok, c'était juste pour dire que je suis contente d'assister au partage, bien que je suis que d'un moment à l'autre, je serai encore distraite par les enfants. Mais bon, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est aussi un autre appel. En tout cas, je suis très très contente de voir de nouveaux visages. C'est vrai que la semaine dernière, c'est comme je suis toujours fait, la Dieu se fait. Tiens, je serai libre aussi comme toutes les autres sœurs. Oui. Mais franchement, j'avais tellement de questions à poser pour ce soir. Et pose je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Pose tes Mais questions. Continuons dans l'enseignement. Pose tes questions. Avant de poser mes questions, frère, j'aimerais savoir si c'est pas trop indiscret. Si le couple traduit de la Belgique se porte bien, parce que le dernier enseignement que j'avais suivi, ça était en plein accouchement. J'espère qu'elle a bien accouché. Elle a très bien accouché en direct. Waouh! Wow. L'enfant se porte très bien. Ok. Frère, voici quelqu'un qui était chez elle en Belgique. Elle se trouve ici. Elle peut donc témoigner qu'est-ce qu'elles vont bien. Viens le masseur, viens lui parler. Que le couple traduit va bien. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Oui. Le frère Trabi et sa femme vont très bien et les enfants aussi. Bon, la sœur, elle n'a pas le nom. Oui. Pas le nom. Moi, c'est la sœur amie de la Belgique. Oh, c'est la sœur amie. Bonsoir. C'est la sœur amie qui pose souvent des questions très pertinentes là. Ah, enchantée vraiment. Enchantée mes sœurs. Enchantée. C'est toi qui es à la source. Elle est à la source. Non, c'est pas que je voulais savoir si Madame Trabi et Monsieur Trabi se portent bien, quoi. Ils se portent très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Oui. Et la sœur Claudon aussi. Aussi. Ok. Ah, en tout cas, c'était tout ce que je voulais savoir et merci infiniment pour la réponse, quoi. Ok. En tout cas, si tu es libre, t'es la bienvenue. Merci. Il faut qu'elle vienne en Belgique, non? Oui. Ben voilà. Faites à Dieu. Je plais vraiment à Dieu, ma soeur. Si j'arrive à me débarrasser de ma maternelle, peut-être que je... Ben, faut venir avec eux, il y a la place. Bien, la viande, c'est fort. Canada dans la sainteté de la sœur de la Roche, tu as dit que tu avais des questions, pose-les donc. Oui, j'avais des petites questions, frère, parce que depuis un certain temps là, je ne sais pas si je deviens folle ou bien aller dans la parole. Bonsoir. Ma première question, bonsoir. Ça va, mon grand garçon? Ça va bien. On se présente pas. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Josué. Je m'appelle Josué. Ça va bien, Josué? Je vais bien. Ok, maman va aussi bien. Oui. Très précieux. Madeleine aussi. Oui, elle a bien dormi. Le bébé. Ah, elle dort déjà. Il est 1h ici. En tout cas. 1h ici. Il y a une histoire biblique que tu veux La sœur Suzanne Solange, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir. On est encore préliminaire. Alors, Jésus était sur le point de raconter une histoire biblique. Quelle est l'histoire biblique que tu veux raconter là-bas? Tu veux raconter l'histoire? Non, je ne connais pas l'histoire. Ah ben là, voilà. Samson. Je ne sais pas, tu veux raconter quoi? Tu racontes là-bas. Ah, c'est voilà, Ruben. Bonjour Ruben. C'est ce qui parle, c'est elle. Ruben, non, il s'appelle pas Ruben, le fils du frère. Oui, José Ruben. Il s'appelle José. José ah. Ruben. Ah, José Ruben. Mmh. C'est ça. Waouh. Bonsoir José Ruben. Bonsoir, il sait que c'est moi, Ruben. Oui, c'est ça. Ça va bien. Tu vois comment elle te connaît. Ah, ici, la classe de papa. Tu as dit ton nom. Elle te connaît bien. Va continuer à écrire là-bas. Alors, la sœur Suzanne, on était au préliminaire. Chacun se demandait comment était sa semaine et chacun racontait. Je crois que la sœur de la Roche avait la parole. Je crois qu'en écoutant la sœur de la Roche, tu vas savoir de quoi il est question. Alors, la sœur de la Roche, vas-y, il y a des questions. Non, ma semaine s'est très bien passée. Moi, j'avais des questions par rapport à la Bible. Je ne sais pas si c'est... Je suis en train de devenir folle ou bien... J'aimerais qu'on rentre un peu à la Genèse, s'il te plaît. Oui. Excuse-moi, je veux prendre juste quelques temps avec le frère. Mais j'espère que tout le monde en profitera. Parce que, je ne sais pas, frère, quand la Bible dit la terre était... Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frère, j'aimerais savoir si à ce moment-ci précis, la Genèse 1 et 2, le diable avait déjà été dessus. Qu'est-ce qui te fait penser à cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en lisant ma Bible, je ne sais pas. C'est comme si, subitement, j'avais comme cette sensation qu'à ce niveau-ci, là, le diable avait déjà été dessus. Ah, parce que quand tu continues... Non, c'est ça, c'est ce que tu as lu, c'est-à-dire que tu as bien compris ce qu'on a dit là-bas. Tu n'es pas folle, tu es devenue folle dans la sagesse, quoi. J'étais juste comme... mince, mon Dieu, c'est quoi ça? Et ce qui m'a fait encore me conforter dans cette position, c'est quand je me retourne ici sur, à Genèse... Genèse 3, là, du verset 1. Le serpent, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Après le péché d'Adam et Ève, le Seigneur continue encore plus loin dans Genèse 3 toujours. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Quand il dit l'un de nous, c'est pas toujours que le patriarche m'a pris, il dit, mais quand la Bible dit l'un de nous, comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Comme l'homme a fait avec Adam et Ève. En tout cas. Elle me disait, non, ma soeur, si tu deviens, il y a un peu fort. De toute façon, c'est déjà parlé dans l'explication de le péché originel. Si vous voulez encore que j'en parle, je vais encore en parler. Mais c'est déjà dit là-bas. Et dans d'autres enseignements, dont le titre, c'est particulièrement, c'est Créons l'homme à notre image. Que veut dire Créons l'homme à notre image? Parce que quand les gens entendent Créons l'homme à notre image, ils croient que c'est Dieu le Père. Vous m'entendez? Ça s'entrecoupe toujours. Oui. C'est bon? Ça s'entrecoupe. On débranche moi l'orifice si tu mets à la fenêtre. Et ma deuxième question, frère, c'est de savoir où se trouve vraiment le jardin d'Éden, sur la terre ou au ciel. Et justement, parce que le ciel versait la perpétue. C'est justement l'objet de l'un des enseignements qu'on a fait en Belgique. Il faut brancher parce que ça fait la tour. C'est l'enseignement, c'est parce que le frère Iba, il y a des problèmes de connexion également en Côte d'Ivoire. Il aurait déjà publié ça, le titre, c'est où se trouve le jardin d'Éden. Donc il y a les réponses là-dedans. Sois patient tout simplement, d'accord? Quel est le verset qui s'est trouvé? Je vais pas être, je vais attendre, mais pardon, essaye un peu de... Bon, montre-nous d'abord le verset qui t'est trouble donc concernant le jardin d'Éden et puis on va voir ce qu'il faut dire. Oui. Dans Genèse 3, verset 23. Non, à titre verset 23, 24, il était né le chasseur du jardin d'Éden pour que tu vas la terre d'où il avait été pris. Oui. Tu comprends que le jardin est dans. On est vraiment en train de parler de l'espace terre, quoi. Oui. Mais quand tu continues au verset 24, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam Et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins, et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mm-hmm. Ah, ça, ça devient autre chose. Là, je pose la question. On parle, les chérubins gardaient quoi? On dit que les chérubins gardaient le chemin de l'arbre de vie. Mais pas le chemin. Et l'arbre de vie, c'est la question que c'est Jésus. Là. Pas, oui. Jésus était planté au milieu du jardin. Mais, parce que c'est ton frère. Parce qu'ici, quand il dit dans Genèse 3, verset 22. Ma soeur. Le deuxième strophe. Ma soeur. Oui, frère. Ton problème, c'est l'emplacement du jardin. Et là, tu te trouves que le chérubin bloque la route. Le problème, c'est qu'on a dans l'esprit, en posant la question, dans l'esprit, c'est le jardin. Il y a un arbre à l'intérieur du jardin où on a de bloquer la route pour qu'il ne passe pas dans le jardin pour aller toucher l'arbre, n'est-ce pas? Oui, l'arbre. Bon, il a de bloquer l'accès à l'arbre, pas l'accès au jardin. À l'arbre. D'accord. Mais ça veut dire que Jésus était déjà là. Parce qu'il dit, empêchons-le maintenant d'amasser sa main. Mais il est l'alpha et l'oméga. De manger et de vivre éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. S'il est éternel, ça veut dire qu'il n'a jamais eu de commencement. Donc, il était toujours là. Est-ce que tu as écouté les enseignements, les sept vidéos concernant le péché originel? Ou bien tu as peur d'écouter aussi? J'avais écouté, frère, mais c'est vrai que quand je l'écoutais, là, j'étais comme mitigé celui-là. Bon, vas-y, maintenant, ce que tu vas faire maintenant, c'est qu'avec tes questions, tu dois écouter de 1 jusqu'à 7. Prends courage, d'accord? Prends courage. Même si ça ne passe pas, tu bois un peu d'eau. Tu prends un verre d'eau, tu mets à côté de toi. Tu écoutes avec la Bible, tu bois un peu d'eau. Tu bois un peu d'eau, d'accord? Tu laisses jusqu'à ça passe. D'accord? Le péché originel. Oh là, maintenant, si l'arbre de la vie, donc, c'est Jésus. N'est-ce pas? Mmh. Le chérubin là est placé à l'orient du jardin. C'est ça. Mais c'est ce que la Bible déclare, non, dans ce verset 24 du chapitre 3 de Genèse. Mmh. Adam est où? À l'heure où on parle, là, il est où? Mais frère, à l'heure où nous parlons présentement, là. Mmh. Adam, est-ce qu'il y a encore? Il avait été chassé, non? Bon, il a dû marcher partout, alors. Non, si nous parlons présentement, au jour d'aujourd'hui, Adam il est mort. Bon, il est mort, il est où? Je dis qu'il est dans le sein d'Abraham, si je crois que c'est d'après les enseignements. Donc, maintenant, dans le sein d'Abraham, il se trouve à l'intérieur. Alors qu'Abraham est venu longtemps après lui. En tout cas, il était où? Alors, non, je ne sais pas, frère. Courage, d'accord? Courage. Posez toutes vos questions, toutes. Même la sœur Suzanne va me dire pour répondre. On ne la connaît pas bien. Vous avez des excellentes questions. C'est pour ça que j'aime travailler particulièrement avec vous. Des excellentes questions. Avec la France et la Belgique de la sainteté. Donc, ma sœur, il faut écouter. Mais écouter, franchement. Le péché originel et l'enseignement particulièrement sur créons l'homme à notre image. D'accord? Uh-huh, et ça sera posté dans le forum là. Mais frère, si quelqu'un n'a pas une autre question, je vais encore essayer d'emboîter avec celle-ci. Chacun cherche ta part, non? Pose tes questions. Frère, une fois tu avais dit que, si je me souviens encore très bien, que le livre de Job devait être après la Genèse, c'était ça, non? Oui. Mais quand je regarde la descendante d'Issaka, là, je viens, c'est un Job, c'est de lui. Parce que quand tu rentres dans le livre de Job, on ne parle même pas de sa descendance. Oublie-le. Un frère. C'est pas lui, oublie-le, d'accord. Ok. Vous cherchez, c'est même vous-même, vous cherchez. Juste ça va. Mm-hmm. Ma dernière question avant de disparaître, parce que je monopolise la parole. Mm-hmm. Quand Jacob a dit qu'il retirait la prééminence à Ruben, mm-hmm. mon frère, mm-hmm. et qu'il a dit à Joseph que Manassé et Ephraïm devenir comme ses propres enfants. Oui. Moi, je crois que dans Apocalypse, je devrais trouver Manassé et Ephraïm. Mm-hmm. Malheureusement, je n'ai pas trouvé Ephraïm. Mm-hmm. J'ai trouvé Manassé à la place de Dan. Mm-hmm. En fait, la prééminence n'a même pas été retirée. Mm-hmm. Si elle était retirée, qui est donc son premier-né? C'est Joseph. Ok. C'est écrit dans la Bible comme ça. N'est-ce pas? Que ça a été donné à Joseph. C'est pas ma soeur. J'ai compris, frère. Mais j'ai aussi une autre question. C'est vrai que j'avais posé ça autrefois à mon pasteur. C'était la dernière question, hein. C'était ta dernière question, hein. Non, laissez-la tranquille sans s'exprimer. C'est quelqu'un qui avait posé la question. Par rapport, par rapport à ta propriété sépulcrale, la frère. Oui. On a enterré Théa. On a enterré Sarah. Mais Rachel n'a pas été enterrée. Pourquoi? Jacob, quand il est mort, Joseph est allé l'enterrer. Et quand le peuple quittait l'Égypte, les os de Joseph sont ramenés. On a emporté ses os. Mais pourquoi Rachel a été plutôt enterrée hors de la propriété sépulcrale? Elle n'entrait pas dans le plan de Dieu. Elle est morte où d'abord? Je crois que c'était un parent, c'était où là? Est-ce que le sépulcre s'est trouvé là-bas? Mais frère, même Jacob n'est pas mort là-bas. Mais Jacob, lui, il n'est pas mort. Jacob est mort, il y avait les bombes pour l'embaumer. Là-bas, il n'y avait pas de bombes. Tu crois que la bombe, c'est tout le monde qui avait la bombe? Parce que Joseph était chez le roi qui pouvait avoir la bombe pour embaumer son père et amener ses os. D'accord. Okay, qu'est-ce qu'elle avait fait lorsque son père, son mari fuyait là-bas? Elle avait volé les dieux de son père. Okay. Et elle les avait cachés sous le Kaaba. C'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Mais même vous, là, vous fouillez la Bible. C'est bien ça, ma soeur. Non, frère, c'est bon. Merci beaucoup. J'ai laissé la parole à tous les autres soeurs maintenant. Je vous écoute aussi. Des questions, il y a le temps? Oui, il y a les questions. Hein? Posez les questions. Ok. Moi, c'est dans Apocalypse 1. Yes. Tu as donné un exercice à faire. Aller. Enfin, avec recenser tous les celui qui. Oui, c'est lui. Et dire à la fin. Oui. Bon, moi j'ai commencé, mais j'avais une question par rapport à Apocalypse 1, verset 3. Oui. On dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Ça m'a interpellé parce qu'on dit celui qui lit. Mais là, je me suis demandé, celui qui lit là, c'est qui? Est-ce que c'est le lecteur? Comme tu en lis là maintenant, là, tu es heureuse. Si il parle, c'est moi, tu entends, tu ne sais pas lire, tu es aussi heureuse, d'accord? Ok. Continuons, ma soeur. Ok, donc c'est le lecteur. Parce qu'il a dit, et ceux qui entendent, parce que moi je le dis, mais qui entend alors? Donc ça, je peux lire pour quelqu'un, c'est ça? Ça c'est clair. Il y a des gens qui vont entendre sans savoir comment lire. Ok, c'est beau. Donc là j'ai compris. Bon, là, la deuxième question c'est dans Nahum. Nahum. Nahum 3. Oui, Nahum, c'est Nahum, Nahum, je ne sais pas. Dans Nahum 3, au verset 8, on dit, « Es-tu meilleur que Noamon qui était assise au milieu des fleuves ?» Je me suis demandé, qui est Noamon ? Yes, vous êtes fort. Il pose la question à qui ? Mais je crois que c'est le Seigneur qui doit parler là. Il faut regarder bien, le prophète en train de parler, dans un oracle qu'il a en train de donner. Et il pose la question à quelqu'un. D'accord? Lis à partir du verset 1 du chapitre 3. Allons-y. C'est Ninive. Parce que l'oracle est fait sur Ninive. Donc, un oracle est fait sur Ninive. Et Ninive, c'est quoi? Oui. C'est une ville. C'est une ville. Donc, on a parlé de cette ville-là. C'est un peu comme on peut dire oracle sur les États-Unis. Pense que tu étais comme tel autre pays. Tu es plutôt comme un autre pays, comme l'Union soviétique, par exemple. C'est pour dire, regarde comment a été détruit cet tel autre pays. Ne pense pas que tu seras laissé en reste. Voilà, c'est ça dont c'est les questions. Ok. Lis la suite du verset, là où tu as posé la question. Ok. C'est vrai que ça se coupe beaucoup, hein. Non, il disait de lire la suite du verset où tu as posé la question. Ok, je vais lire la suite, ce sera pas long. J'avais déjà tourné, hein. Excusez-moi. Bon, Nahum. Oh. J'ai perdu ma page. Courage, ma soeur, c'est Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3. Oui, ok, c'est bon. La suite, c'est... Ok, je vais recommencer à partir du verset 8. Mmh. Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, mmh, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille, l'Éthiopie et les Égyptiens? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force, Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Voilà. Tu as entendu bien ça? Oui. Donc, ils avaient des alliés qui étaient des pays d'Éthiopie, la Libye, et ils étaient au milieu de l'eau. Ils étaient enseignés que l'eau était son rempart. C'est-à-dire que c'est une île qui avait pour mur de protection l'eau. C'est-à-dire que pour aller à Athènes, il fallait traverser l'eau. Voilà. Des questions? Oui. L'avant-dernière question, c'est dans Jean 14 que nous avons développé la semaine dernière. C'était, ma question était de savoir comment demeurer dans le Seigneur. C'est un autre enseignement qui vient d'arriver justement. Ok. Alors, la dernière question, c'est comment servir le Seigneur chaque matin? C'est-à-dire, quand le matin, moi, je me lève, comment me rendre, comment être au service du Seigneur? Tu pars au travail, ma soeur? Oui. Si demain que tu ne sors pas plus le matin, tu vas partir, tu vas faire comment? S'il me dit je ne pars pas, je ne pars pas. Et si ton mari dit que tu ne pars pas, tu ne restes pas dans sa maison, tu fais comment? Ben, je vais écouter le Seigneur. C'est que le Seigneur m'a dit, parce que si c'est le Seigneur qui m'a parlé, je vais écouter le Seigneur. Tu es sûr, ma soeur? Très sûr, mon frère. Colossiens chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Je vais vérifier que tout le monde ait ouvert la Bible dans ce livre-là. Si vous avez du mal, la soeur Arissi, si tu ouvres Colossiens, tu nous dis, d'accord? Si tu ouvres, tu fais comme ça. Comme on fait au Cameroun, là, comme ça. Ok. Donc, je vous ai posté les liens dont vous en avez besoin. Pratiquement la sœur de la Roche. Voilà. La sœur Aristide, lis-nous le verset. Nous sommes au chapitre 3. Lis le verset 18 à 22. Souvenez-vous de la question que la sœur a posée. Ok. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Voilà. Il y a un autre enseignement, je crois que c'est avec vous. C'est bon, ma soeur. Il y a un autre enseignement. Okay. Non, finis le verset. Jusqu'à 25, c'est ça? Continue exactement là où tu as arrêté. Ok. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, oui, comme le Seigneur et non pour des hommes. Voilà. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. C'est bon. Servez Christ le Seigneur. Amen. Alors, donc, il y a un enseignement, et gardez cela en esprit, écrivez cela pour qu'on voit un de ces jours, si Dieu voulant, tôt le matin. On va parler de tôt le matin. D'accord? On va parler de cela le jour où vous voudrez. Si telle est la volonté du Seigneur, on en parlera. Donc, la sœur pose la question, comment servir le Seigneur le matin? Ça a très à voir avec ce qu'on va développer dans cet enseignement, c'est particulièrement. Mais je vais dire quelque chose. Le service du Seigneur le matin consiste à le rencontrer tout simplement. Aller à sa rencontre avant d'aller rencontrer n'importe qui en journée. Voilà en résumé, en comment faire pour le servir. Il faut aller à sa rencontre avant d'aller vers les gens. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Vraiment un truc. Je m'en excuse. Je m'excuse pour cette connexion. Je prie que le Seigneur nous permette de plus de parler. Donc, je disais, donc, vous m'entendez? Oui. Je disais que le service du Seigneur tel que la sœur l'a demandé, ça sera développé dans cet enseignement. Mais, en résumé, la réponse est celle-ci. Il faut aller à la rencontre du Seigneur le matin avant d'aller à n'importe quelle autre rencontre. Voilà ce qu'il faut faire. Tout avant ça, d'aller à la rencontre de... De n'importe qui. De n'importe quoi. Avant de faire n'importe quoi. Vous m'entendez? Oui. Voilà, merci. Je suis en train de parler doucement et très court, beaucoup, pour que ça, comme ça s'entrecoupe là, pour que vous me saisissez bien. Donc, le Seigneur, avant d'aller rencontrer quelqu'un, ou bien n'importe quoi le matin, il faut rencontrer le Seigneur d'abord. Il faut aller à sa rencontre, aller communier avec lui, pour voir ce qu'il a dit de toi, de la journée et des autres, ce qu'il pense, de ce qu'il faut. Quelle est sa volonté pour ce jour-là? C'est ce qu'il faut faire. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? La sœur Arise, tu entends ce qu'ils sont dit? Oui, j'entends, mais c'est bizarre. Cette fois-ci, la communication est beaucoup entrecoupée aujourd'hui. Je ne sais pas, la dernière fois, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Donc... Il y a fait deux jours, nous n'avons pas eu de lumière ici. Et puis, la communication, je n'ai pas pu travailler avec la Côte d'Ivoire ni l'Italie. Donc, okay. C'est tout à l'heure. Depuis le matin, nous n'avons pas la lumière. Ça venait d'arriver là. Et je crois que c'est un lieu non pas de lumière aussi. Et peut-être c'est pour cela que la connexion chute là. Mais est-ce qu'il arrive que vous m'écoutez au moins de façon fluently? Parce que si je commence à développer les choses là, maintenant je vais commencer à développer. Vous allez me dire que j'ai pas compris. Donc posez juste des questions et puis je réponds. Oui, je viens de me question. Oui, ma soeur, tu as une question. Oui. Pose alors la question. Comme la soeur de la Roche, j'avais lu aussi la Genèse. Oui. Et puis, en lisant, je me suis fait un schéma. Comme là où il a mis l'étendue qui est le ciel, j'ai tracé. Et puis, il a dit les eaux en dessous, c'est ça qui est devenu la terre. Mm-hmm. Et les eaux en dessus, c'est au-dessus de ça se trouve Dieu. Après les eaux en dessus, tu cherches le son, tu cherches son lieu de résidence, c'est ça? Parce que en lisant Genèse, j'ai fait comme un schéma. Alors j'essayais de voir là où il a dit la mare des eaux, c'était la terre. Et au-dessus, il y avait la lune, le soleil pour éclairer la terre. Et au-dessus, il y avait des eaux aussi. Il n'y a pas trop de commentaires après ce côté-là, au-dessus de l'étendue. Bon, okay. On va aller voir là où il se trouve, d'accord, ma sœur. Dans ce cas, ouvre un roi au chapitre 8. Un roi? Quand tu vas finir de lire ce qui est écrit là-bas, tu vas me regarder, tu vas me dire encore ce que tu viens de dire là, quoi. Un roi, chapitre 8. Dès que vous trouvez, vous faites seulement comme ça, là. La sœur Susan, ça fait longtemps, hein? Toujours fraîche, là. C'est vrai? Ta belle-mère est rentrée déjà. Mon frère. Non, elle rentre la semaine prochaine, le 16. Chapitre 8. Tout le monde est à la en tant que la sœur Arissi nous trouve cela. Il est quelle heure là-bas maintenant? Il est quelle heure là-bas maintenant? 20h15 chez nous. 20h15. Donc, on a 1h15 ici à Douala au Cameroun. Oui, à Roi 8, oui. Voilà. La sœur Augustine, tu y es? Oui. Lis-nous le verset 27, toi-même, toi qui as posé la question là. Le verset 27. C'est ça? Mais. Est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire? Toutefois, éternel mon Dieu, veille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse en ce jour. Bon. La sœur Suzanne, tu es dans quelle version là? La sœur Suzanne, c'est quelle version? Pour moi, c'est la version 8 secondes. Okay. Pour moi, c'est la version 8 secondes. Ok. Lis-nous la version 8 secondes. Écoute maintenant bien ici. Ok. Ok. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'étais bâtie. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit après, d'après ce qu'on veut de lire, c'est qu'est-ce qu'il en ressort là-bas? Préparez le psaume 148. Qu'est-ce qu'il en ressort là-bas? Il n'y a rien qui peut le contenir. L'expression... Sur la terre. Mmh. C'est pour ça, parce que tu as pris le semestre, c'est pour ça que ça te sème comme ça là. Regarde bien cela. Tu as parlé tout à l'heure en posant la question que lorsque tu as lu la Genèse, il a coupé le ciel qui était en dessus et le ciel qui était là-bas, il en a fait les vôtres. Maintenant, le verset, il parle des cieux et les cieux des cieux, n'est-ce pas? Les cieux des cieux. Ça fait combien? Et ma soeur, quand vous êtes sur la terre, vous regardez en haut, au-dessus de vous. Vous voyez quoi? On voit le ciel. Ah, vous voyez le ciel. Là où il y a la lune. Oui, oui. Et quand vous êtes dans l'avion, vous voyez quoi en haut? Les nuages. On voit encore comme des nuages encore. Et pendant que vous êtes là, vous regardez en bas, vous voyez quoi? Des nuages. Donc, lequel est le ciel alors? Eh, ma soeur Augustine, le psaume 148, prenons le psaume 148. Wonderful. Wonderful, comment? Psaume 148. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. La soeur a resté attendant ces jours-ci avec hâte. Si ça passait comme ça et qu'on coupait la lumière ici, elle pouvait écrire beaucoup de choses là sur le site. Pardon, je sais pas. Non, il disait que tu attendais ce samedi-ci avec hâte. Mais avec les coupures de lumière là, on n'est jamais sûr qu'on va travailler. Oui. Comme j'ai dit, nous sommes les chanceux. Verset 4 du psaume 148. Qu'est-ce que ça dit la sœur Suzanne? Ok. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Donc, il y a même les eaux au-dessus. Des cieux. La sœur de la Roche, non, vous entendez que... Regardez bien, j'ai posé la question. Quand vous prenez l'avion, vous décollez, vous traversez les nuages. Quand vous êtes ici, vous avez comme l'impression que ce sont les nuages là qui sont les cieux. Mais quand vous entendez là-bas, arrivez là-bas, vous voyez encore les plus grosses blanchers encore au-dessus de vous. Si vous entrez dans la fusée va plus loin encore que cet avion, l'avion. Vous allez voir encore la même chose au-dessus, dans les vôtres là-bas. Mais Dieu dit, il dit que même les eaux qui sont au-dessus des cieux puissent louer. Donc il y a un endroit où il y a l'eau. Parce que d'après ce que tu en as lu dans le livre de Genèse là, Dieu a coupé l'eau en deux. Il a envoyé une partie en haut et une partie descendue en bas. Bon, quand les gens voyagent partout, vous avez vu l'eau là quelque part? Non. Quand vous lisez véritablement, vous voyez que la pluie qui tombe là vient d'où? Des nuages. Vraiment. Est-ce que vous savez qu'il y a une porte là-bas, comme la piscine, où on ouvre comme ça, comme le robinet, vous ouvrez le robinet, on ouvre comme ça, l'eau commence à tomber sur la tête, vous savez ça? Hein? Donc c'est pour ça qu'on parle de ouvrir les écluses des cieux. Quand tu parles des écluses, les écluses, c'est quoi? Non, c'est le robinet. Je pose la question. Le robinet. Imaginez-vous un peu que vous avez une grande piscine comme ça en vitre. Où l'eau est pleine là-dedans, et que vous ouvrez une porte comme ça, et que ça commence à tomber. Allons dans le livre de Genèse. À l'école, ils nous disent que la pluie, c'est l'évaporation. C'est le résultat de la condensation et tout le reste. Ok, quand la pluie ne tombait pas, il avait fait comment? Ça venait d'où? Genèse combien? Genèse chapitre 6 d'abord. Chapitre 6. Pendant combien de temps l'eau a été sur la terre, il pleuvait sur la terre? Dans le déluge, pendant 5 mois, n'est-ce pas? Oui. Donc, 5 mois. Et pendant ce temps-là, la pluie là qui tombait là, c'était issue de quelle évaporation? Vous y êtes? Oui, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, vous y êtes, vous donnez maintenant. Oui. Versets 11 et 12 et 13 et 14. D'abord. Qui va lire? La sœur Suzanne lit. Ok. Alors, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà. 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura trois... C'est bon, ma soeur. Chapitre 7, maintenant, verset 1, puis verset 4. Ok. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Verset 4. « Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Voilà. Maintenant, verset 10. Verset 10. « 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. » Continue, continue, ma sœur. « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Stop. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qui s'est passé en haut pour que l'eau commence? Les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Sources du grand abîme. Donc, en haut, là-bas, il y a un... Un grand abîme. Et donc, ça a les écluses, il y a les portes. Continue, ma soeur. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez effectivement que ce que nous appelons aussi science en étudiant pour qu'on vous donne le travail comme ça, comme vous voyez là. Ça, c'est le mensonge qu'on nous enseigne à mentir et puis subitement, on nous donne des diplômes. Donc, si vous êtes diplômé en sciences naturelles, ça veut dire que vous êtes diplômé en sciences des menteurs. Bon, de toute façon, allons dans le livre des Jean. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a un endroit en haut où il y a l'eau. En fait, quand vous lisez le livre des Genèse, sachez, il faut que vous sachiez que depuis la création jusqu'à ce moment, il n'y avait pas encore de pluie sur la terre. Vous devez comprendre cela. Donc, aucune goutte de pluie ne tombait. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'était bizarre aux yeux des gens que on dit qu'il va, ça va tomber la pluie. On regarde, on sait qu'il y a l'eau plutôt en bas. Lui, il a dit raconter des bêtises qu'il y a l'eau en haut. Job, chapitre 5, d'abord. Vous allez voir des choses terribles dans le livre de Job maintenant. Vous êtes prêts? Oui. Mais ma soeur, lit le verset 10 du chapitre 5. Chapitre 5, verset 10 d'abord. Il repend la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Qui le fait? Non, lis seulement c'est le Seigneur. Lis seulement le verset qu'il avait dit. Donc, d'après ce verset, qui envoie la pluie? C'est le Seigneur Jésus. Voilà. Chapitre 28. Moi, j'ai le 27. Hein. Ça s'arrête au 27. Non, il lit chapitre 28. Ah, chapitre 28. Oui. Ok. Lis-nous le verset 25 et 26. La sœur Léonie, elle a... Vous êtes à quel période maintenant? Il neige chez vous là maintenant? Non, non, au printemps. Neige, c'est la neige. La neige. Non, il a neigé chez nous toute la nuit. La Saint-Augustin est déjà au printemps. Ok. Oui. Oui, mais on est encore en hiver. Ok. Verset 25 et 26. Mais parce que la neige est en train de fondre. Ok. La neige en est de fondre. Hein. On va voir scientifiquement, oui. Bibliquement et scientifiquement comment ça, pourquoi ça se fond, d'accord? Et comment ça fait pour tomber. Okay. Lisons le verset 25 et 26. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Stop. Il imposa des fondements. Donc, vous voyez que même le tracé, quand vous voyez le tonnerre, les éclairs dans le ciel, là, Dieu a tracé les routes. Il ne passe pas au hasard. Comment la sœur Léonie me regarde comme ça? C'est parce qu'on a lu ici. Regardez, lis encore le verset 25 et 26. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa... Attends, suis. Il a réglé quoi? Le poids du vent. Donc, le vent a été pesé. Mm-hmm. Imaginez donc la balance. Quand Dieu a utilisé pour peser le vent. Oui. Et qu'il fixa. Et qu'il fixa la mesure des eaux. Donc, ça veut dire même l'eau a été mesurée. N'est-ce pas, mes soeurs? Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Donc, Dieu a donné la loi à la pluie. Il a tracé la route des éclairs et des tonnerres. Quand le tonnerre gronde, il y a une route que ça traverse. Un peu comme les câbles. Les câbles, vos câbles, on met dans le câble dans la maison. Dieu a fait cela. C'est Dieu qui a fait. Si quelqu'un veut maintenant, il saute, il cale en l'air. Il découvre n'importe quel film. C'est ce que Dieu dit. Chapitre 38. Allons d'abord, chapitre 36 d'abord. Versets 26 et 27. En voyant toutes ces choses, en lisant toutes ces choses, on va comprendre l'immensité de Dieu. Et on peut donc dire que l'univers crie sa majesté. L'univers doit créer. Ce sont ces choses-là, vous comprenez, ces lois-là le glorifient. D'accord? Oui. Chapitre 30, il y a dit chapitre 36, verset 26 et 27. Okay. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Mmh. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Qui fait ça? C'est Dieu. Vous avez entendu ce que la Bible dit, non? Mm-hmm. Verset, chapitre 37. Chapitre 37 maintenant, verset 5 et 6. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Donc, qui le fait, ma soeur? C'est Dieu. Chapitre 38. Donc, si votre neige tombe, c'est Dieu. Si ça surpasse, c'est Dieu. Si c'est petit, c'est Dieu. Donc, en face, quand vous regardez la neige, là, dites merci, Seigneur. Si ça vous bloque la route au point où la voiture glisse, dites merci, Seigneur. Comme tu as fait que nous glissions là. Mm-hmm. Avec l'explication que tu me donnes, c'est comme si je comprends maintenant comment on dit, quand tu dis dans tes enseignements que Dieu est tellement grand, il est tellement immense. Qui est l'homme? Qui sommes-nous? On a tellement de pécheurs que quel amour, quelle miséricorde qu'il a. Malgré nos péchés, mais lui qui est le grand Dieu, aussi grand, il pense à nous, il vient nous chercher dans la boue. Quelle miséricorde, quel amour. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ouais. C'est mieux qu'on l'adore un peu, n'est-ce pas? Amen. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Bonsoir et bienvenue. Désolée, je viens de rentrer. Je suis en retard, je m'excuse. Nous venons aussi de commencer. Ça fait seulement 1 heure 8 minutes. Ah, ok. Vous avez commencé à quelle heure? À minuit 24. Ah, ok. Donc, je peux aller chercher ma Bible. Naturellement, on n'a pas encore fini. T'inquiète pas, c'est pas la fin. On a encore commencé. Ok, ça vient de commencer. Oui, oui, tout juste là. Ça fait 1 minute seulement. D'accord, je vais chercher mon cahier. Cherche le cahier, ma soeur, tu viens. Je vous aime, mes soeurs, je vous aime. Pardon. Le Seigneur est effectivement grand, comme la Bible déclare dans celui de Job. Il est grand, mais on ne sait pas, sa grandeur nous échappe. Et les pauvres mortels sont sur la terre. Chacun dit, moi, je ne crois pas en lui. Je m'en fous de lui. Je m'en moque de lui. Mais de toute façon, un jour, c'est un jour. Nous qui avons choisi et qui avons eu la grâce d'être appelés par lui et qui nous connaissent d'avance, marchons dans la sainteté en lui restant tout simplement obéissants. Amen, frère. En résumé, ma soeur Augustine, il y a l'eau en haut. Il y a les cieux des cieux en haut. Il y a un autre niveau où c'est seulement l'eau. Il y a, savez-vous même qu'il y a même les pierres en haut là-bas? Il y a les cailloux là-bas en haut. Oui, parce que dans l'Apocalypse, il y a l'autre qui disait qu'il donnait la comparaison avec des pierres qui étaient sur la terre. Mais non, mais il dit qu'il y a les cailloux que vous rencontrez en route là. Il y a ça qui, il y a les cailloux qui vont taper les gens avec ça. Tu sais ça, non? C'est ce que les scientifiques appellent les météorites. Météorites. Josué. C'est bon. Josué. Okay. Vous êtes dans Josué chapitre 10. Où est la sœur Suzanne, ma bien-aimée sœur? J'ai un peu pleuré là parce que ça. Ne t'inquiète pas. En lisant le verset, ça a fait remonter beaucoup de choses. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ok. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 8 à 11. Ok. Verset 8 à 11. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Voilà. Dieu est bon, n'est-ce pas? Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc le verset 11 dit que quand les gens fuyaient, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel fit Il fit quoi? Madame Camille, il fit tomber du ciel quoi? Des pierres de grêle. Des pierres de grêle. Donc ça sortait d'où scientifiquement? On peut expliquer ça comment? C'est les météorites qui tombaient. Rentrons dans le livre des Job au chapitre 38. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu à craindre. Savez-vous que même dans les ciels là-bas, il y a des niveaux de ciel où c'est la prison, ce sont les cellules et les prisons. Vous voyez comme on a les cellules des prisons ici sur la terre. Où les malfaiteurs commettent des vols. Il y a des endroits où ce sont les prisonniers qui sont là-bas. Vous savez ça? Est-ce que c'est pour ça qu'il dit que ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel? C'est l'une des raisons. Madame Camille, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Que le Seigneur te bénisse. Bon arrivé. Versets 22 à 24. C'est toi qui es sur l'écran maintenant. Tu peux nous lire alors, ma soeur. Tu vois que c'est toi qui es sur l'écran, n'est-ce pas? Micro. Verset 22. Que mon épaule se détache de sa jointure. que mon bras tombe et qu'il se brise. Tu es dans quel chapitre, là, ma soeur? 31. Job 31. Qui t'a envoyé là-bas? Verset 22. Qui t'a envoyé là-bas, ma soeur? C'est Job 38, ma soeur. Ah, c'est Job 38, hein? Mm-hmm. Verset 22. 22 à 24. Ok. Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de graines que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se repent-il sur la terre? Vous avez entendu? Il dit que est-ce que tu as vu la mare des grêles, des neiges et des grêles qui tient en réserve ou quoi? Pour les temps de détresse. Les temps de détresse. Donc quand vous sentez mal sur la terre, c'est ça qui bombarde sur vous. Si les gens pouvaient seulement craindre Dieu, Dieu a toutes les âmes pour nous anéantir. Il n'a pas besoin lui-même de faire quoi que ce soit. Il ordonne seulement à ces choses-là de nous détruire sur la terre. Il y en a tellement des galaxies, tellement de galaxies. Une seule étoile frappe la terre et c'est terminé. Et la terre n'est qu'une minuscule particule dans tout le grand univers. Mais ici, on gueule sur ce qu'on tape la poitrine. Notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Notre Dieu est grand. Alors, il faut le célébrer. Il faut le célébrer, comme on dit, louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Même sur le lieu Dieu, en citant sa grandeur, personne ne peut citer sa grandeur comme il est grand. Personne. Puisque personne n'a la mesure de sa grandeur. Quand nous disons grandeur, puisque les messieurs qui sont, les gens qui sont ici sur la terre, qu'on appelle les présidents, on les appelle les grands. On utilise encore la même terminologie à appliquer à notre Dieu, qu'il est aussi grand. Donc, comparativement à l'être humain, Dieu n'a pas de comparaison avec notre cerveau. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces choses que nous voyons, nous devons comprendre que Dieu a le plan sur tout ce qui arrive. Vous allez voir effectivement comment les chefs d'État se réunissent. Vous entendez COP 21, COP 22 à Marrakech, sur le sommet de Paris sur les changements climatiques. Le climat ne change pas. Les climats ne changent pas. Ça varie comme Dieu veut. Bonsoir, frère Camille, et bienvenue. J'ai une question, frère Junior. Oui. Est-ce que ça veut dire que tout ce que les scientifiques appellent maintenant réchauffement climatique, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est ça? Job chapitre 37. Hein? Job chapitre 37. Je ne peux pas répondre mieux que la Bible. Le frère Camille, bonsoir et bienvenue. Le scientifique du Canada dans la sainteté. Ah. Shalom, frère. Au moins, on est deux maintenant, quoi. Shalom à toute la famille. Shalom, frère. Oh. Shalom, frère. On y va. Oui, nous y sommes. Job, chapitre 37. Soyez-en prêts pour un autre choc. Hein. C'est un choc anti-scientifique ici maintenant. C'est un choc anti-scientifique. Verset 9 à 13, qu'est-ce que ça dit du chapitre 37 de Job? L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse, étincelant. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour qu'il le fait apparaître. Amen. Qu'est-ce que vous en dites de tout ce que vous venez de lire? On dit que les glaces que vous voyez là-bas, chez vous, là-bas, c'est le souffle de Dieu qui produit ça. Qu'est-ce que la science dit, mes frères, mes soeurs? Vous qui... Et même l'ouragan, mon frère. Vous qui êtes au pays des glaces. Les scientifiques disent que qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes au pôle Nord. Parce que vers le pôle Nord, l'équateur est plus éloigné du pôle. C'est pour cela que dans le pôle, il y a le froid. Hein, tu parles. Donc les scientifiques mentent. Non seulement ça, le gouvernement ment. Écoutez bien ce qui se cache derrière. Je vais venir dans l'enseignement intitulé Le mensonge des chefs d'État et de gouvernement. Voici le but. Il veut créer un nouvel ordre des choses sur la terre. Il cherche à mettre des points saillants, des différents points où ils vont exploser la peur dans l'humanité et créer des conflits de façon internationale. Et ça va pousser les gens donc à demander eux-mêmes l'établissement de la paix et de nouveau ordre mondial. Vous allez admettre cela sans vous en rendre compte. Et cela, maintenant, le plan qu'ils ont concocté dans les ténèbres vont être établis sur la terre. Il faut qu'ils touchent dans le climat, ils touchent dans les enfants, les vaccins. C'est pas que les vaccins se font dans les pays du tiers monde. C'est pas pour réduire la maladie, que non. Parce qu'en réalité, s'ils sont vrais, ils ne viendront pas dans une ville comme Douala essayer de vacciner les enfants, sachant que ce qui cause ces choses-là. Ce qui cause les maladies, c'est la précarité. Vous allez dans une zone où il y a les moustiques. Pourquoi chez eux là-bas, ils ont éradiqué les moustiques? Ils n'utilisent pas cela. Alors que les cours d'eau sont ici, les nappes phréatiques peuvent être nettoyées avec des produits. Ils ne nettoient pas. Ils viennent chaque fois pour faire les campagnes, pour vacciner. Mais ils laissent ce qui cause. Donc ce qui cause la maladie, ils les laissent là-bas. Et puis ils viennent pour donner la solution. Non. Sachant que tant que vous serez malade, ils pourront vous administrer des choses que vous penserez que c'est pour la guérison. Ils font des expériences sur les gens, les expérimentations sur les gens. Ils laissent ça exprès parce qu'ils peuvent éradiquer cela. Ils peuvent éradiquer les moustiques, traiter les eaux comme chez eux, nettoyer des caniveaux comme chez eux pour que les moustiques... Parce que si on résout le problème des moustiques et le problème des nappes phréatiques, il n'y aura pas besoin de paludisme. Nous sommes d'accord. Mais s'ils font ça, maintenant, le laboratoire ne servira plus à rien. Ils ne pourront pas avoir des médicaments de paludisme. Il faut qu'ils aient les tests des endroits où ils testent leurs produits. Les tiers mondes, donc, comme ils n'ont pas le laboratoire de contrôle des produits qui sont venus, il suffit seulement qu'on fasse n'importe quel produit d'expérimentation. On colle une étiquette là-bas de HCL, ainsi de suite. On dit que ceci, c'est à cela. Nos scientifiques n'ont aucun moyen de vérifier. Et le Saint-Esprit dit, ça ne fait du mal à ton peuple. Ce sont des produits à long terme qui pourront être utilisés parce que les cristaux sont injectés dans le cœur des enfants, dans le corps des enfants qui vont grandir. Et ça va annihiler le système de défense immunitaire, changer même les systèmes génétiques pour les pousser à ne plus produire. Parce que dans leur meeting secret, ils disent que l'Afrique produit beaucoup plus comme les Chinois. Pour empêcher les booms démographiques comme en Chine, il va falloir qu'on commence à injecter des choses, des substances sur des enfants. Et quand ils vont grandir, le système de reproduction ne pourra pas fonctionner. En fait, nos gouvernants ne savent pas cela. D'autres savent, mais ce sont des choses que Satan a programmées. Destruction de l'humanité. Et par conséquent, vous voyez COP 21, les sommets de Paris, les résolutions des sommets de Paris, le plus sur le changement climatique. Dieu a-t-il des besoins de quelqu'un pour nettoyer la terre? Non. Dieu a-t-il dit quelque part que la terre a des problèmes? Non. Ils aiment trop la terre avant de créer les produits chimiques. Vous avez vu, vous qui êtes dans les zones urbaines, vous avez vu les pommes que vous consommez, des produits chimiques qu'ils utilisent pour la terre? Savez-vous que ça détruit la terre, les pesticides? Tout ce qui nettoie et que ça grandit le cours d'eau, tout ce qui habite là-bas, et les bétails et les poissons, ça les tue chaque fois, n'est-ce pas, frère? Pour qu'ils ne résolvent pas ça, parce que les grandes multinationales qui ont ces produits-là, qui fabriquent ces produits-là, ont besoin de ça pour vivre. Et par conséquent, si vous portez même plainte en tant que collectif, ils vont utiliser n'importe quel style d'avocat dans le monde pour étouffer cela. C'est le Bilderberg. Et donc, il y a un plan mondial qui doit être établi. Il faut donc que la destruction des enfants, la destruction de la mentalité, la destruction des couches sociaux, la destruction des dislocations de la famille. Vous pensez véritablement... Oh mon Dieu, je vais parler de l'homosexualité en France et ce qui va en venir. Le jour où la France a signé son arrêt de mort devant le Seigneur. Vous savez, à Montpellier, il y a une plaque là-bas, dans l'esprit, qui est attachée sur Montpellier. Quand ça va arriver, vous saurez de quoi il est question. Montpellier. Gardez cela à l'esprit. Je reviens à vous. Nous sommes dans le Canada ici. Donc, ce que je viens de dire, c'est que ces choses qui sont dites sur les ondes et autres là-bas, ce sont des manipulations pour préparer les gens à admettre certaines choses. Il suffit seulement chez les Blancs, là, maintenant qu'on dit maintenant qu'il y a une grippe aviaire quelque part. C'est eux qui font ces choses. Ils créent la panique dans la radio, dans les télévisions et autres pour pousser les gens à aller se vacciner. Vous venez faire l'expérimentation pour eux sans vous en rendre compte. Parce qu'ils coordonnent les médias. coordonnent toutes ces choses-là. Et ils injectent, ils choisissent quelle information ils vont faire accepter. Et les gens acceptent cela. Donc, en réalité, en toile de fond, se trouve un grand mensonge pour pouvoir établir le gouvernement mondial sur la Terre. C'est donc cela, ces choses de changement climatique. Le climat ne change pas. La Bible déclare dans ce livre de Job, chapitre 37, que chaque chose de la Terre, ce dessin-là, regardez encore le verset 12 et 13. Qu'est-ce que ça dit, ma soeur? C'est Stéphanie, lit encore. Verset 12 et 13. Verset 12. Leur évolution varie selon ses desseins. Stop. Pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Donc, leur évolution, l'évolution, c'est l'évolution de qui? De quoi? Du climat. Donc, le climat varie selon le dessein de qui? De Dieu. Et c'est, il est fait varier pour accomplir selon tout ce qu'il leur ordonne. Donc, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça veut dire que tout groupe, toute personne qui se réunit pour dire qu'on lutte contre le réchauffement climatique, ça ne lutte contre qui? Contre Dieu. Apocalypse. L'Apocalypse. Combien? Chapitre 11. Chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Vous vous confiez aux médias. Vous êtes mal fini. Vous vous confiez aux médias, à l'information. Vous êtes mal barré. On va vous injecter des fausses informations. Vous allez admettre des choses qui ne sont pas. Un de ces jours, on vous dit maintenant que la Terre est plate, qu'on avait fait l'erreur. Ne vous inquiétez pas. Mais la Bible déclare que c'est le cercle de la Terre. Donc, même s'ils posent maintenant avec preuve scientifique à l'appui que la terre est plate, c'est leur problème. La Bible déclare que c'est rond. Chapitre 10, 11, verset 18, qu'est-ce que ça dit? Les nations se sont héritées. Les nations se sont héritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Vous avez entendu? Vous avez suivi le dernier volet? Donc, ceux qui créent les pesticides pour détruire la terre, ils font des choses pour détruire la terre en disant que non, ils produisent des fruits pour que les fruits, non. Oh, le boom démographique, si on continue comme ça, à l'échelle de 2050, il n'y aura pas assez de la nourriture pour tout le monde. C'est Dieu qui leur a demandé qu'ils produisent la nourriture pour tout le monde. C'est l'inquiétude. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que non, il faut avoir une agriculture conséquente par rapport au boom démographique. Ils feront faire une agriculture à l'échelle internationale ou bien l'agriculture moderne. Comment faire pour produire des papayes, des pommes à une grande échelle? Il faut donc multiplier, il faut donc faire la semence améliorée. Dieu a demandé qu'ils améliorent quelque chose. Vous voyez ce que ça produit. Ça ne produit que maladie. Mais Dieu promet ici dans ce verset 18. Si vous regardez à partir du verset 1, verset 3, les trois témoins vont commencer à frapper la terre par toutes sortes de miracles et de prodiges avec le feu. Ils vont fermer le ciel, frapper la terre avec le feu. Après cela maintenant, quand le temple de Dieu va s'ouvrir, boum, les tremblements vont commencer. La Bible déclare ici que l'heure est venue. Les nations se sont irritées. Les nations unies, ils se sont irritées. Donc, ils font quelque chose contre Dieu. Et dit, l'heure est arrivée où Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Vous devez vous poser la question. Comment est-ce que les nations détruisent la terre? Tout ce qu'ils font là, les expérimentations qu'ils font, ils frappent. Vous entendez, ils frappent dans une vision, j'étais en train de regarder dans une eau. Les grandes eaux internationales, j'ai vu quelque chose frapper la blinde, boum, comme le feu, ça s'est levé comme ça, comme le champignon. J'ai dit, ça, c'est quoi cela? Ça veut me dire que ceci va créer des tensions entre les grandes nations. Donc, ces expérimentations, quelqu'un va frapper l'une de ces bombes-là dans une eau, ça va dépasser l'eau de sa limite. Et là, ça va engendrer les nations. Maintenant, quand ça engendre comme ça, les produits toxiques ici, tout ce qu'ils sont, vont détruire les poisons. Les gens vont entrer là-bas, porter les maladies, revenir sur la terre avec, il y a une modification des gènes. Les gens vont accoucher comme. Les gens ont accouché à quoi? Hiroshima, au Japon, dans la guerre, les bombes qui sont là-bas. Les gens vont accoucher avec les bouches tordues, les autres. On dit que non, comment Dieu est haut pour créer ce genre de personnes? Alors, en toile de fond, c'est eux qui font ces modifications génétiques et qu'ils donnent des choses, ces choses aux gens. Alors, les gouvernements mentent. C'est si nous voyons ce soir dans la Bible que la pluie tombe, c'est Dieu qui ordonne. Il peut fermer le ciel qui ne pleuve pas. Et il en a fermé. Jacques, quoi? Ces prophètes ont fermé le ciel et quand il a voulu, Dieu a coupé les subsistances. Dans le psaume 105, les versets 8 et suivants, Dieu dit clairement qu'il a fermé toute subsistance. Il a coupé la subsistance et la famille l'a appelé à fermer sur la terre et envoyé Joseph devant eux pour qu'il puisse ouvrir, pour que la famille puisse être résolue. Vous voyez effectivement que quand Dieu fait quelque chose sur la terre, il le fait. Il appelle la famille sur la terre. Si Dieu appelle la famille sur la terre, le plan Marshall marchera. Tellement les gens sont sages aujourd'hui que même quand ils multiplient ces choses-là, ok, s'ils décident de planter toutes ces choses-là, Dieu a appelé le Gazim et le Hazim pour qu'ils puissent laisser sauterelles là, ces grands ennemis qui détruisent là. Ils vont faire quoi? Ils vont créer les pesticides. Ils vont résister aux pesticides. Mais Dieu dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Donc vous voyez que les scientifiques auront foi à faire avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc quand ils regardent les scientifiques à la télévision, ils s'éloignent, ils disent, vous voyez que c'est un docteur Hawkins. Il était un scientifique. Il a découvert toutes ces choses, les molécules qui aident les hommes. Tous ces molécules découvertes sont les choses qui tuent les hommes plutôt. Tout. Donc les scientifiques mentent. On ment sur l'univers. On ment Dieu. L'humanité n'a pas besoin de. On n'a pas de problème de famine. La Bible déclare que toutes les familles, qui pleuvent quelque part ou qui ne pleuvent pas, ça varie selon son dessein. Dieu en est d'appeler cela. Et on dit qu'il produit ses jugements comme signe de son amour chaque jour sur la terre habitée. Donc quand il donne la pluie en abondance, c'est pour. Maintenant, quand il le fait varier, il pleut trop, c'est pour le faire. Et j'ai remarqué chaque fois. Quand il y a un péché quelque part qui a débordé, Dieu veut frapper le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pleuvoir, puis le soleil sort, et puis la nuit est là-bas, à la nuit, on voit l'arc-en-ciel. Et Dieu a dit que lorsque le péché de la terre va abonder chaque fois, et qu'il va vouloir frapper, et qu'il s'y voit cette nuit-là, à la nuit, il va se souvenir qu'il avait dit qu'il ne peut frapper la terre par les eaux. Donc c'est le signe, quand on voit l'arc-en-ciel, les scientifiques disent non, c'est le reflet du soleil, un peu comme le cristal. Lorsqu'il l'eau tombe là par un soleil brillant, les rayons solaires passent au travers de la pluie. C'est ça qui reflète dans le nuage. Et puis ça sort cette variation de couleurs, des prismes de sept couleurs. Mais Dieu dit que c'est lui qui place ça là-bas pour se rappeler qu'il ne doit pas toucher la terre. Allons-y dans l'œuvre de Genèse. La sœur Aristide, bonsoir et bienvenue, la sœur Aristide. Bonsoir, shalom, frère Julien. Donc, en tant que chrétienne, je peux décider de ne plus vacciner mes enfants. Genèse. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. J'aime ça. Qui a dit ça? Que Dieu te bénisse. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Waouh. Chapitre 9 de Genèse. Genèse quoi? Chapitre 9. Vous y êtes? Oui. Verset 8 à 14. Ou bien jusqu'au verset 17. 8 à 17 du chapitre 9 de Genèse. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec vous, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai. Et je me suis. Non, continue, mon frère, continue. Et je me souviendrai de mon alliance avec moi et vous et mon alliance avec moi et vous. Entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Là sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé qui sortis de l'arche étaient Seth, Cham, c'est bon, laisse-les tranquilles. De toute façon, l'alliance est entre nous et tous les êtres vivants et tout le monde. Oui. Donc il ressort de cette lecture que si on se pose bien des questions, en lisant Genèse chapitre 6, les versets 6 et 7. Qu'est-ce que ça dit, le Genèse chapitre 6, versets 6 et 7? Versets 6 et 7. Genèse 6, versets 6 et 7. Oui. L'Éternel se repent. Il rit d'abord. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, je terminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, c'est la corruption avait atteint même les oiseaux. Ne soyez pas surpris de commencer à voir même les corps homosexuels bientôt. Même le chien. C'est-à-dire que vous voyez le chien commence à aller vers le chien, pas avec la chienne. Maintenant, écoutez tout attentivement. D'après ce qui ressort dans ce livre de Genèse, chapitre 6, 7, 8 et 9, vous avez moi. D'après ce qui ressort là-bas. Mais la personne qui cause là, veuillez couper le micro. Il ressort que c'est à cause du péché justement de l'homme et de la corruption du genre humain que Dieu a envoyé le déluge sur la terre. Et le but du déluge était de nettoyer pour calmer parce que ça allait trop loin sur la terre. Maintenant Dieu, sortant le peuple, ceux qui sortaient donc, qui avaient échappé à ce premier nettoyage, Dieu leur donne un signe de l'alliance et il met cela comme le signe pour les générations futures. Il dit quand il aura amassé, appelé la pluie à lui, pour les nuages, et le balancer sur la terre comme nuage, la nuit apparaîtra. Donc enfin, lorsque l'arc apparaît dans la nuit, lorsque quelqu'un qui est sage voit la nuit apparaître là, il ne doit pas commencer à contempler la couleur, il doit plus se prosterner pour demander pardon pour le péché du peuple. Vous me suivez? Lorsque vous voyez l'arc en ciel quelque part dans votre pays, en lisant la Bible comme ceci, vous devez plutôt vous prosterner rapidement pour dire que cet arc-ci montre que si ce n'était pas sur le signe d'alliance, Dieu frapperait la terre encore. Donc ça veut dire qu'il y a une indication que le peuple, notre vie, et ou bien nos vies n'est pas en règle avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes donc, dans une zone. Comment ma soeur? Oui, donc quand on voit le signe, ça veut dire que ça appelle à la repentance. Il faut aller dans la repentance, c'est ce que ça implique. Parce que cette axe est faite pour que Dieu se souvienne que, ah, je ne frappe plus la terre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait, s'il n'y a pas ça, il y a quelque chose encore, un sujet pour lequel Dieu pourrait frapper la terre. Donc il faut entrer dans la repentance. La nuit, là, dans la nièce qui est un signe d'alliance avec Dieu, c'est que chaque fois que ça apparaît, on doit comprendre que nos vies n'est pas en règle avec lui. Ça veut dire que si c'était à frapper, il frapperait. Mais comme il a son alliance, et comme c'est un Dieu d'alliance qui respecte son alliance, c'est pour ça qu'il ne frappe pas. Mais l'homme sage voit cela et demande pardon au Seigneur. Mais la science dit que c'est parce que l'eau brille avec les photons, avec les électrons, c'est pour ça que ça reflète là-bas dans la nuit, ça devient brillant. N'est-ce pas terrible ça? Alors je crois qu'il faut qu'on se reprogramme scientifiquement tout ce que nous avons appris à l'école. Entre ce que la pluie fait pour tomber et autre là, avec ce que Dieu lui dit. Donc qu'on ne contemple plus le ciel tout simplement, comme pour chercher les résultats scientifiques et les lois scientifiques qu'on nous a appris. Mais chaque fois, contemplons cela, les choses le ciel, pour regarder le signe du temps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que dans ce ciel-là, il y aura les signes du temps. Souvenez-vous donc que les peuples sont dans le mensonge. En premier lieu, les gouvernants qui sont sous la coupe de Satan. Parce que Satan avait dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, car cela m'a été donné, je donne à qui je veux. Donc tous ceux qui se prosternent devant vous voyez cet aspect là, comment les ministres, on les vénère partout là, les gens sont forts. Oh, c'est le fils du premier ministre, le fils du président ici là. Regardez, laissez-les tranquilles. Laissez-les. Ils vont être détruits, attachés et jetés au dehors. Ne c'est pas le standard là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est d'obéir Dieu en tout lieu et n'importe où on se trouve. Gardez-vous à l'esprit que les neiges, la neige, la pluie et quoi que ce soit varient selon le dessein de Dieu. Donc c'est quand Dieu veut que la neige augmente, ça augmente. Si que ça diminue, ça diminue. Que l'été dure, ça diminue. Que le printemps devient court, c'est comme ça. Ce sont ses dessins. Il a un plan derrière. Un plan qu'il en a de tracer. Que Dieu vous bénisse. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Tu vois que ma soeur, Augustine, c'est ta question sur les cieux, des cieux là où Dieu habite, là où tu cherchais sa maison là. Tu as vu comment on allait chercher sa maison, où ça nous a entraîné, non? Oui, là, en définitive, c'est où sa maison? Sa maison, comme on a lu dans 1 Roi chapitre 8, verset 27, c'est, sa maison est tellement grande que si tu veux regarder la porte d'entrée, tu ne peux pas suivre. Parce qu'on a dit que les cieux des cieux ne peuvent même le contenir. Si les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, imagine alors la grandeur de la porte doit être comment? Des questions, Canada? Gardez-vous à l'esprit que les gouvernements mondiaux. Je vais prendre un exemple. Je crois qu'il faut que continue sur cette lancée-là. Comment faire pour que le système bancaire soit créé et qu'on vous contrôle de telle enseigne que si vous achetez quelque chose dans une station pétrolière et que vous êtes en fuite, on puisse savoir exactement comme balise. Ça, savez-vous que en utilisant votre carte de crédit, vous achetez quelque chose à Ottawa, puis vous quittez, vous allez à une autre ville, vous achetez, vous allez baliser votre chemin pour vous retrouver. C'est pas difficile. Par exemple, si quelqu'un braque une voiture, il prend une carte de crédit de quelqu'un. Et on veut le retrouver. Il suffit seulement qu'il peut que ça quelque part pour charger. N'importe quoi. On sait que de là où il a braqué, il a fait l'achat à tel endroit. À partir de cet endroit-là, on va repérer les caméras suivantes dans la zone. Voilà où il se trouve. Prochaine fois, s'il paye dans un hôtel, on sait effectivement qu'il est là-bas. On commence à le profiler, à le suivre. Pas vrai, frère? Oui. Maintenant, comment avec le système bancaire, on est arrivé à cela alors que dans la banque, ce n'était pas comme ça? Il a fallu qu'on vous regarde maintenant que on va sous le couvert de lutte contre le blanchiment d'argent. Pour la sécurité des biens et des personnes. Mais vous ne savez pas qu'en réalité, c'est pour regarder qui sont les chrétiens et qui ne sont pas. Toute cette loi-là, c'est pour lutter contre le Seigneur. Le contrôle de tous les êtres humains, de tous les citoyens. Ça sera grave sur la terre. Maintenant, comment faire pour voyager pour l'aéroport, pour savoir, ah non, le terrorisme, on ne sait pas qui est qui. Parce que à l'issue de 2001, quand les terroristes ont pris l'avion, ils ont frappé à la Maison Blanche. Une autre loi maintenant sur la sécurité aéronautique veut que les passeports soient biométriques. On va prendre l'iris de ton œil avec tes empreintes chaque fois. Avec ça, on va mettre ça dans une grande serveur pour comparer maintenant pour voir ce qu'il y a parmi les terroristes. Vous voyez qu'il y a toujours une relation de cause à effet. Ils créent quelque chose, ils ont un but à atteindre. Comment vous dire qu'il va falloir que chaque fois qu'on prend vos empreintes, on vous filme pour avoir vos choses. Il faut qu'ils créent quelque chose qui vont donner le droit pour que vous-même vous admettiez sans vous en rendre compte. Ils créent donc ce qu'ils appellent les attentats. Ils prennent les gens qu'on appelle les boucs, les dégâts collatéraux. Ils les mettent dedans et ils disent, ok, vous voyez que pour votre sécurité vous-même, il faut que vous-même vous soumettez à la sécurité. Vous admettez volontiers. Tout simplement, vous admettez volontiers. Parce que tout le monde dit que c'est pour la sécurité. Et pour les raisons de sécurité, on va vous mettre sous écoute. Parlez chaque fois, vous parlez de Allah. Que le mot attentat vient 400 fois. Et que vous allez voir que la prochaine fois, la police va vous mettre sous surveillance. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça veut dire qu'ils proposent quoi? Ils proposent les solutions. Mais avant de proposer les solutions, ils savent que ça va choquer l'opinion publique. Ils ne peuvent pas venir tout simplement en Afrique comme ça, dire l'homosexualité, parce qu'ils connaissent le choc de culture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à créer les films qui vont donner au milieu de la population. La population voit comment les femmes et les femmes s'embrassent sans problème. Ils préparent la mentalité à recevoir cela. Ils préparent les hommes avec les hommes. Dans les films, ils injectent cela. Ils disent, envoyez ça en Afrique. On envoie. Au fur et à mesure que les hommes commencent à s'embrasser, les femmes et les femmes s'embrassent, ça devient une accoutumance. Petit à petit, ils sont en train de briser les barrières de notre défense. Sans que vous la mettez, vous voyez que finalement, vous allez en mettre. Un de ces jours, ils vont injecter quelqu'un magistrat, quelqu'un législateur qui est homosexuel, qui va défendre la cause. On paye l'avocat, on soutient l'avocat en toile de fond dans l'obscurité. Que vas-y, nous sommes derrière toi. Mais il ne peut pas se présenter parce qu'il sait que ça va choper l'opinion publique. La presse publie peut-être 50 personnes qui sont homosexuelles. Ça divise l'opinion, ça divise l'opinion. La deuxième phase est arrivée. On a déjà admis qu'on peut aller le faire. Un autre avocat sera là pour dire quel est le problème. Ils sont libres comme ils se doivent. L'opinion est présentée. Donc le pour et le contre de cela travaillent pour le même groupe. Pour pouvoir tester l'opinion publique. Il y a 90% qui seront pour dire non, nous sommes nous gardons la tradition africaine. Ça montre clairement qu'ils ne sont pas prêts à admettre. Ils se retirent un peu pour temporiser. À un moment donné, je sens de vous montrer les mensonges qu'ils font, comment utiliser pour briser les peuples. À un moment donné, ils vont présenter cela. Et de ces jours, la loi va passer même sans qu'on en passe, Montpellier en France. La loi va passer sans que personne n'en soit au courant. Un de ces jours, on dit, dans la législation africaine, on ne condamne pas l'homosexualité, on ne condamne pas le lesbianisme. Ce sera bien pour l'obscurité dans ces pays-là. C'est terrible. Donc, c'est ainsi donc, que tous les plans machiavéliques qu'on a conçus dans l'univers, dans l'obscurité, est présenté. Chaque jour, des résolutions se passent aux Nations Unies. Combien sont ceux qui suivaient les résolutions qui se passent dans les Nations Unies? Combien sont les résolutions? Combien de résolutions se passent chaque fois où personne n'est au courant de cela? Lisez seulement les résolutions sur le féminisme. Vous serez surpris et choqué. Lisez seulement les résolutions sur le féminisme, sur la famille, la loi sur la famille. Vous allez tomber vers 700 fois. Ce sont les choses qu'on va imposer au gouvernement. Bientôt, on va les imposer. Vous avez signé la charte des Nations Unies, ou bien vous avez nous, ou bien vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas là-bas, on crée la guerre chez vous pour vous changer de régime. Voilà ce qu'il en est. Le gouvernement mondial sera établi, dit le Seigneur. Eh bien là, ceux qui vont avoir ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, vous êtes mal barré. Le frère Camille, ton micro est fermé, tu veux parler? Non, tu penses que tu vas fuir et tu vas nous laisser sur terre. Ouais, on va se retrouver là-bas aussi. Bon, on est mal barré alors. Vous voyez effectivement que nous n'avons point de domicile ici permanemment, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'on se prépare à quitter ce monde. Vivons avec une mentalité d'étranger. Vivons n'importe où sur la terre. Je ne veux pas dire, si la terre, il n'y a pas d'endroit mieux, parce que là-bas, peut-être, il y a la surveillance. Ici, il y a plutôt la sorcellerie. Vous voyez cela? Il y a les mamies water partout, de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas d'endroit partout, sur la terre, où Satan n'a pas son emploi. On dit le monde entier sur la puissance du malin. Vous allez voir quelqu'un là-bas, en Papouasie, Nouvelle-Zélande. Vous allez voir là, tranquillement, ouf, ces gens-ci, ils manquent de civilisation. Ils sont encore vraiment bien. Il ne faut pas que les blancs veuillent le déranger. Vous allez le voir chasser un gibier. Quand il attrape son gibier, il vient, il se prosterne devant l'eau. Maintenant, il rend grâce à l'eau parce que c'est le dieu de l'eau qui lui a donné cela. Satan l'a eu. Donc, malgré qu'il n'a pas touché le modernisme, il n'a pas touché le compte bancaire, le voilà en train d'adonner Mami Wata là-bas. Ouais, personne ne peut échapper à cela. Personne ne peut échapper. Donc, ça dit que si elle a sa sorcellerie avec Mami Wata là-bas, avec la reine de la côte, les blancs viennent encore ajouter seulement pour eux là-dedans. Ils mettent encore le lesbianisme pour que les démons et les amis s'ajoutent avec Mami Wata. Ils collaborent entre eux. On est mal barré. On est mal barré. La science, la télévision et tout cela ne nous disent pas la vérité. Ce n'est pas là-bas la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Si on n'est pas renouvelé par la parole, on va toujours comprendre, entendre les mensonges des gens. Mensonges. Vous voyez effectivement, vous voyez quelqu'un qui est non, je ne dis pas, il faut piquer quelque chose sous la peau. Pour se dépigmenter. D'autres filles encore pas mettre les silicones dans le sein. Un de ces jours, ce qu'on vante en présentant la lutte, on prend les mannequins là-bas qui n'ont pas mis cela pour montrer les bienfaits de cela, que ça va bomber. Qui t'a dit que ta poitrine soit bombée pour toujours? Qui a dit ça? Qui a dit que les femmes qui n'ont pas de poitrine bombée ne sont pas belles? Sarah avait des poitrines comme la sandalette, mais ça n'a pas empêché que Pharaon dise que c'est la plus belle de femme. Vous entendez ça, mes soeurs? Maintenant, regardez ce qu'on dit maintenant. Vraiment que Dieu nous aide de la sœur de la roche. Quand on injecte, on voit, waouh, la dépigmentation intraveineuse. Quand on injecte quelque chose à l'intérieur, ta peau est uniforme. Mais à long terme, qu'est-ce que ça produit? Les produits chimiques, quand vous en jetez dans le corps, ça ne peut plus jamais sortir. Ça va tourner là-bas. Quel est l'effet sur les chromosomes? quel est l'effet sur la naissance, l'enfant, la procréation? On ne peut pas vous dire cela. Mais bon marché. Mais madame fait comme ça. Après un de ces jours, son doigt commence à être maintenant comme les peaux du tigre. Elle est entachée, entachée comme ça, comme le Coca-Cola mélangé à l'Fanta. Vous commencez à le voir maintenant qu'on a des problèmes. Petit à petit, vous avez eu plusieurs personnes qui ont lutté avec le cancer à la mort. Ils ont dit que leur lutte soit édifiée pour avertir d'autres personnes. Mais si on est là, on de prêcher maintenant que quitter ça, on dit que tu déranges. Quand ça va donner le cancer, ils vont dire maintenant qu'il faut que Jésus le guérisse. Les États mentent. Le gouvernement ment. Ce n'est pas à eux qu'il faut chercher la vérité. C'est du côté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des questions, Canada dans la sainteté. J'espère que je ne vous choque pas, je ne vous effraie pas. Je vais seulement vous dire la vérité. La vérité, c'est dans la parole. On doit être renouvelé dans la pensée. C'est la scène que toutes les décisions que nous allons prendre, quand vous entendez le gouvernement dire des choses à la télévision, il y a des choses qu'ils vous disent qu'ils ont préparées dans les ténèbres. Je vous dis, vous allez être choqués. En 2015 ou 2014, j'avais dit qu'ils vont se réunir, ils vont changer vos bibles que vous avez là. Ils vont faire une bible unique, n'est-ce pas, frère? J'avais dit ça dans l'enseignement. Qu'à l'heure où je suis en train de parler maintenant, il y a une réunion quelque part secrète. Je ne suis pas avec eux. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une réunion secrète qui va se passer sur l'étude des bibles, bibles qu'on va sortir. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la parole du peuple là, n'est-ce pas? Ça, c'est en 2014, j'ai dit cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Ils vont sortir une bible. Et petit à petit, on va mettre tout ceci dehors. Donc, gardez vos bibles. Gardez vos bibles. Vous allez voir des choses terribles. Et la Bible satanique, elle sera en plein là-dedans comme un chapitre. Satan ne sera plus enseigné comme un être qui est méchant. Non. Un collaborateur des hommes qui donne la sagesse à l'homme. Quand vous entendez le verset, malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien. Vous croyez peut-être que c'est juste qu'un verset. Vous allez voir ça au sens propre. Oui. L'heure est grave. C'est-à-dire que si vous voyez à la télévision, on montre comment quelqu'un essaie de noyer. Refusez d'abord ce que vous voyez avant que ça soit la surprise. On nous a enseigné que la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que c'est vrai? On t'a dit maintenant qu'il y a combien de terres, qu'il y a des habitants où aussi? Sur la Terre, non? Et les habitants seulement sur la Terre. Et ben, ils nous disent aussi qu'il y a les martiens, les extraterrestres. Deutéronome chapitre 4. Wow. C'est quoi ma sœur Annie, Aris? Non. Ok, non. Ok. Mais j'apprécie énormément que tu fasses le parallélisme entre la science et la parole de Dieu. J'apprécie, c'est bien. Donc. Deutéronome chapitre 4. Moi, je vous pose une question, hein. Avant que vous ne trouviez pas de chapitre 4. Lucifer a été chassé du ciel, n'est-ce pas? Oui. Avec combien de gants avec lui? Avec combien de personnes? Je ne connais pas le nom. Le tiers, non? On a parlé du tiers des anges? Ça veut dire que si Dieu a 1000, il descendait avec le tiers de 1000, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Il vous pose la question, il se trouve où? Hein? Ils se trouvent où? Sur la terre. Non, ils sont dans les lieux. Ils sont dans les cieux. Ils sont à un niveau du ciel. Dans les lieux célestes. Bonne question. Saint-Denis a une réponse. Non. Bon, je pense qu'ils sont peut-être une partie sur la terre, une autre partie à un autre niveau du ciel. Les esprits des eaux, là, ils habitent où? Dans les eaux, peut-être. Comment on dit esprits des eaux? Savez-vous que l'eau que vous voyez là, c'est divisé en 7 niveaux, en bas. Où il y a les villages, avec les aéroports, comme vous voyez là, comme chez vous là. Oh, dans l'eau là. Dans l'eau, oui. C'est-à-dire que les endroits où vous traversez, vous allez voir l'eau plutôt en haut. Tu as fait le gondo. Bon, on continue. Chapitre 4 de Deutéronome. Oui. Versets 15 à 19. La 16, c'est une liste là. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonne arrivée, on vient tout juste de commencer, ça fait 2 minutes, d'accord ma sœur? Merci, Catherine. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. La sœur Suzanne, tu as la version du second. Tu peux nous lire cela? Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La sœur Suzanne, s'il te plaît, permettons. La sœur Monique, ferme ton micro parce que les enfants bavardent chez toi. La sœur Monique, tu nous entends? C'est ça, je l'entends. Vais fermer ton micro. On a de la difficulté à entendre ce qu'on dit. Mm-hmm. Ferme ton micro, tu vas entendre. Et quand son micro est fermé, vas-y, maintenant, ma soeur. Merci, ma soeur Monique. Ok. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. So, veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Mais vous avez entendu ça? La sœur Monique, ton micro est encore ouvert. Vous voyez exactement ce que Dieu dit ici par rapport à la mer des cieux. Et qu'on n'a pas ce procès devant eux. On parle de qui ici? Des anges déchus. Ok. Josué chapitre 10. Nous avons lu ce livre de Josué aujourd'hui. C'était pour répondre à ta question par rapport à la rotation de la terre, du soleil là. Je vais lire et je vais laisser votre sainte intelligence être titillée. Josué chapitre 10. Josué, le chapitre 10, verset 11 à 14. Okay. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout le jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel avait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Voilà. Vous entendez ce qu'il dit là par rapport au soleil, n'est-ce pas? Oui. Allons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38. Chapitre 38. Vous y êtes? Oui. versets 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel : Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots : Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Ça va, ma soeur. Je disais. Ça va. C'est le degré d'Akaz, le soleil qui recule là, qui nous intéresse. C'est par rapport à ta question. Nous avons lu Josué, chapitre 10, verset 8 au verset 14, verset 11 à 13. Et ici, chapitre 1, 38 d'Ésaïe, verset 1 au verset 8. Et vous voyez donc ce qu'il dit là-bas, par rapport au soleil qui recule. Maintenant, la science a le vent en poupe. La Bible est identique depuis l'éternité. On lit un dernier. Oui. Psaume 104. Oui. Peux-tu répéter, mon frère? Le psaume 104. Vous avez moi. Ah. Il n'y a personne dans le Canada, dans la sainteté ici aujourd'hui. Vous êtes là? Nous sommes là. Bon, maintenant, regardons là où Dieu habite, d'accord? Verset 1, 2 et 3, d'abord. Ok. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Ensuite, quel verset? Verset jusqu'au verset 3. Ok. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Vous avez vu comment Dieu voyage là où il habite, non? Oui. Maintenant, allons-y au verset 19-20. Okay. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Canada dans la sainteté. Canada dans la sainteté. Oui, je vois, je viens. Bonsoir. Au soleil. Lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, oh. brillerai par la gloire de Dieu. Sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi, au soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel. Sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil, levant mon cœur à temps. Toute toi limitant, tout est royal, je voudrais briller comme toi, soleil. L'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil, le vent, mon cœur attend. Toute toi l'intent, tout est royal. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Vivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta voix. Que mon pays soit ton sanctuaire, sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Nous voulons te magnifier, Jésus, et que l'hymne de mon peuple soit une cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Ah, c'est le bon moment, n'est-ce pas? Nous avons 2h10 là maintenant déjà dépassé. Frère Junior, est-ce que je peux avoir le titre du morceau qui vient de chanter là? Soleil Levant. C'est vous qui avez lu Soleil Levant. Vous avez lu ça dans Psaume 104 aujourd'hui, Soleil Levant. Il sait comment il se lève, comment il se couche. C'est Soleil Levant, n'est-ce pas? C'est le titre de chanson. Soleil, c'est ça le titre, hein? Oui, c'est Soleil Levant. Soleil Levant. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Canada de la sainteté, je suis à votre service. Ok. Est-ce que tu connais le chanteur? Ben, je crois que le frère Camille est spécialiste des chants. C'est un chanticologue. C'est Frère Camille qui va me dire. Mm-hmm. Ok. Voilà. Donc, dans quelques heures, je vais travailler avec la France dans la sainteté. Vous permettez donc, n'est-ce pas? Oui, mon frère, j'ai une dernière petite question. Balance-nous la dernière question. Oui, frère, j'aimerais savoir, quand la parole de Dieu nous parle de, excusez-moi, de la communion fraternelle, bon, je ne sais pas, est-ce que là où nous sommes maintenant, bon, c'est une forme de communion fraternelle, est-ce qu'il y a une différence entre ce que nous faisons ici et ce que tu fais, par exemple, avec les frères au Cameroun, comme dans une maison où vous êtes ensemble, où vous priez ensemble et... C'est totalement différent. Ceci, c'est exactement comme tu prends ta Bible, comme l'apôtre Paul écrit la lettre quelque part, et tu es en train de lire comme tu es en train de lire là maintenant. Tu vois cela? Quand tu prends la lettre de l'apôtre Paul, il écrit que Paul, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quand il écrit, quand il parle à Corinthe physiquement, ce n'est pas la même chose que quand tu as lu la lettre à quelque part. D'accord, ma soeur? Parce que, par exemple, si on veut fractionner, on veut prendre le repas maintenant, tu ne prendras pas le repas avec moi. Ah oui, justement. Ben voilà. Et puis, oui, je ne te coupe pas la parole, mais puisque bon, ce qui m'embarrassait un tout petit peu, je me demandais, bon, lorsque je t'entends enseigner, par exemple, au bien-aimé au Cameroun, bon, les femmes ne viennent pas. Donc, les femmes sont toutes calmes, silencieuses. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Je peux savoir pourquoi en ligne, comme ça, les femmes nous parlons. Ne t'inquiète pas. Avant que tu te poses la question, il savait exactement où tu allais. Il savait que c'était pour cela que tu allais. Vidéoconférentielle. Que le Seigneur bénisse. Vidéo conférentielle. Qui a encore une dernière question? J'ai une question. Merci, Fred. Pas sur le forum, ma question. Ok. Mais elle est rapide, quand même. Tu es le Dieu de ma vie. Canada dans la sainteté. Bonsoir. En toi j'ai trouvé le salut. Tu es le Dieu de ma vie. Ah, je pense que ma question a une suite. Est-ce que je peux la poser? En toi j'ai trouvé. Pose ta question, ma soeur. Demain, c'est la suite de la première question. Il n'y a pas de problème. Et bon, nous sommes dans des pays où, du moins, on ne rencontre pas de vrais chrétiens. Je peux dire entre parenthèses, pas de vrais chrétiens. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une vraie communion fraternelle, puisque bon, on n'a personne autour de nous qui peut nous conduire à cela, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque chez nous, alors c'est correct comme ça? Tu es dans quel pays? Je suis au Canada. La sœur Suzanne, tu es dans quel pays? Pardon? La sœur Suzanne est dans quel pays? Je suis au Canada, j'ai voulu dire à ma sœur que ma sœur, tu n'es pas seule, on est là déjà. Je comprends que vous êtes là. Je vais dire par exemple, bon, quand, la Sainte Seine par exemple. Le frère Camille, tu peux célébrer la Sainte Seine, non? Tu dis? Donc la Sainte-Sainte, la sœur a dit que si elle veut saluer la Sainte-Sainte, comment elle va faire? Parce qu'elles sont seules. Donc il n'y a aucun homme là-bas. C'est ce qu'elle a dit. Non. Je suis là. Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Comment on peut partager le pain? On va encore attendre jusqu'à la nuit prochaine. Bon, il y a même une question là. Je n'ai pas de questions. Des questions? Question. On y va. Canada dans la sainteté, bonsoir et bonne soirée. Le salut. Reçois soit au Dieu l'adoration. Mon cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Je vous aime, que la grâce, la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur vous soient multipliés et demeurent avec vous. Merci ma soeur. Merci frère Junior. Merci frère. Quand est-ce que tu viendras au Canada? Elle a posé la question et puis elle a fait comme ça. Lorsque l'auteur de la commission me commissionnera, j'y serai. N'est-ce pas ma soeur? L'auteur de la commission. Amen frère. Il faut qu'il demande à mon directeur quoi. Celui qui m'emploie, le directeur général. S'il me donne l'autorisation, il pourrait partir. Monsieur Stéphanie. Question. Oui, c'est pas une question, frère Evie. C'est juste un constat, un commentaire. Commente-nous ça. Non, c'est quand on disait Ésaïe 38, versets 1 à 8. Et puis, c'est quelque chose que je trouve que c'est encourageant quand on prie et qu'on demande quelque chose à Dieu, comme a fait Ézéchias. Il a dit, le Seigneur lui a dit, tu vas mourir, donc prépare ta maison. Et il s'est tourné il a prié, il a versé des larmes. Et le Seigneur a envoyé Esaïe. Le même prophète qui a d'abord prophétisé sa mort est venu lui donner la vie. Oui. Oui, il a envoyé et puis il lui a donné une phrase en lui disant tu ne vas pas. Et puis c'est ça que j'ai trouvé que c'est vraiment encourageant quand on prie et qu'on reçoit une réponse de Dieu. De la même manière, quand Abraham a prié, il avait reçu une réponse. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'avait plus cru parce que le temps était long. Et puis, en tout cas, ce que je trouve, c'est que quand on prie, qu'on demande à Dieu, et puis parfois je me dis, ah, notre Seigneur, il n'a pas changé, il est le même, même aujourd'hui là. Et que quand on attend, quand on prie qu'il nous donne la réponse, c'est tellement réconfortant. Donc c'est ça que j'ai constaté un peu et puis j'ai trouvé ça intéressant. Bon, maintenant, c'est Stéphanie, on va faire ces commentaires là ensemble. Dis alors si j'ai pris. Dis alors si j'ai pris. Moi j'ai pris et puis j'attends qu'il me réponde. Non, dis, ah, j'ai compris, ça c'est ton commentaire, mais ça c'est mon commentaire. Maintenant, dis si j'ai pris, si m'écoute, qu'il... Voilà. Si m'écoute, qu'il ne m'écoute pas. Si j'ai pris, il m'écoute, ne m'écoute pas. Qui répond, qui ne répond pas. J'ai pas compris. Qui répond, qui ne répond pas. Ok, oui, je comprends. Non, pas que tu comprends, dis cela. Qui répond, si j'ai pris. Et qui répond, qui ne répond pas. Et qui répond et qui ne répond pas. Il est mon Seigneur. Il reste mon Seigneur. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Mais comme c'est mon Père. Il est mon Père. Mais comme c'est mon Père. Comme c'est mon Père. Il me répondra. Il me répondra. Bonne Amen. Soirée. Bonne soirée. Oh, Amen. Il voit, il connaît. Chante alors, il voit, il connaît. Tu sais chanter? Ouais, hein? Il voit, il connaît. Il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il connaît. Il voit, il connaît. Il voit, au Seigneur. Il connaît. Słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci.